petite musique d'ambiance en fond. Steven, bonsoir, est-ce que tu m'entends? Oui, bonsoir. Oui, je t'entends. Bonsoir, génial. Tu as dû cliquer sur quoi? Bah en fait, quand j'ai vu qu'il n'y avait aucune réaction particulière, je suis allé dans les Oui. notifications, j'ai retrouvé notre rendez-vous et Ouais. puis j'ai appuyé sur rejoindre le live, ce que j'avais déjà fait, D'accord. ce que Ok. j'avais déjà fait Bon. avant. Là, maintenant, je Mais suis une petite l'application ne musique t'a qui pas tourne, appelé mais toi non plus. D'accord. Oh, bon, ça a bah, appelé, il y ça a un avait peu bien le son, mais changé. ça a bugué en fait. Oui. D'accord. Bon. Ok, très bien. Eh bien, bienvenue dans ce 16e live, en tout cas de beauté imaginée. Ça va toi? Quelle température par chez toi? Ça va plutôt clémente, 26 degrés, je pense que j'ai pas trop à me plaindre. D'accord. Moi, je suis en région parisienne, c'est plutôt la 30 degrés là tout de suite. Donc, c'était Ouais, voilà, l'été j'imagine. en avance. En tout cas, on est ravis de retrouver nos auditeurs qui ont accepté ce rendez-vous. On a Juliette, Marine, Andrea, Astrée et Sonia. Bonsoir à toutes, merci d'avoir accepté de nous rejoindre ce soir pour parler de beauté et de stress et sous une version masculine. On a déjà un premier commentaire de Bonjour Juliette. à Salut tous, moi il Juliette. fait 30 degrés, je souffre. Salut Juliette, ouais. C'est ça. Courage. Bon, la bonne nouvelle du jour, c'est que demain, on n'a pas besoin de masque. Donc ça, déjà, en extérieur en tout cas. Ça, c'est plutôt positif. Alors, c'est parti pour l'introduction. Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue dans Beauté Imaginée. Je m'appelle Alice, je suis passionnée par l'univers de la beauté et je travaille d'ailleurs dans le secteur des cosmétiques. Ici, dans mes podcasts, je vais m'intéresser au rapport qu'entretient mon invité avec la beauté et à sa façon d'imaginer la beauté. Donc, vous, de votre côté, vous allez l'imaginer aussi. C'est ça la force de l'audio. Et si ça vous tient un soir d'être mon invité, n'hésitez pas à me contacter. Et donc, ce soir, je suis ravie parce qu'on va pour la deuxième fois aborder un sujet, un certain fléau dans notre société contemporaine, le stress en l'occurrence. On en avait déjà parlé avec Marine le mois dernier. Et d'ailleurs, c'était le live qui avait été le plus réécouté en replay, en fait. Donc, merci beaucoup, Steven, d'avoir accepté ce live avec moi. C'est la première fois Merci à toi que tu pour fais un live l'invite. sur stéréo. Bah, avec Oui, plaisir. tout à fait, C'est ouais. ton premier. Ouais. Alors, j'espère que ça te plaira et que nos auditeurs seront au rendez-vous pour participer. C'est toujours plus sympa. Nous avons actuellement Claire, Gilles, Esther, Léa Carbo qui nous ont rejoints. Bonsoir à tous. Donc, je vous redonne un petit peu la définition du stress selon le dictionnaire Le Robert. Le stress, en fait, c'est une situation de tension nerveuse excessive, traumatisante pour l'individu. Et cet état a bien un impact sur notre peau et notre corps. Donc déjà, chers auditeurs, dites-nous si vous l'avez constaté. Toi, Steven, a priori, oui, hein, on en a parlé. C'est pour ça que c'est notre thème de ce soir. Et du coup, on va commencer par la première rubrique, à parler un peu du stress, toi, dans ton quotidien. Toi, déjà, est-ce que tu dirais que tu es quelqu'un plutôt d'angoissé, globalement? Alors, je peux pas trop dire le contraire. Oui, D'accord. je suis de nature un petit peu anxieuse, stressée, angoissée, mais ça reste contrôlable, quoi. Ouais, d'accord. Et du coup, c'est quel genre de situation qui pourrait te stresser? C'est plutôt des petits épisodes ou un stress un peu quotidien qui perdurerait? Alors, j'ai eu les deux. J'ai eu les Ouais. petits épisodes de stress que tout le monde connaît, par exemple, aller à un petit examen à faire, des choses comme ça, qui sont plus des stress qui arrivent par anticipation. Le D'accord, stress aussi ouais. que tu arrives dans la vie de tous les jours, qui sont de réagir à un événement un petit peu stressant, genre par exemple, est-ce que je vais arriver à l'heure au boulot, combien est-ce qu'il y a Oui. de bouchons dans la journée, des choses comme ça. Et j'ai eu la période beaucoup plus longue, qui s'appelle même de l'anxiété généralisée, enfin de l'angoisse généralisée, qui pour ma Ah oui, part a duré d'accord. environ 5 ans. Voilà. Ah oui, d'accord. Et alors, du coup, tu peux nous dire un peu au fil des années comment ça s'est passé. Enfin, aujourd'hui, du coup, tu estimes que cette période-là, tu en es sorti, du coup. Oui, tout à fait, ouais. D'accord. Comment ça s'est passé? Alors, comment ça se passe au fur et à mesure des années? Le stress que chacun a va provoquer des problèmes de peau qui sont souvent déjà présents, mais ils vont être amplifiés. Et c'est pareil pour le corps. Notre estomac réagit très facilement au stress, et même d'ailleurs un des premiers à se crisper, à réagir comme ça. Mais quand le phénomène dure depuis plus longtemps, donc c'est comment dire du stress qui, pour X raisons, dans la vie de la personne, va s'éterniser un peu, donc il va dépasser 2 semaines, 3 semaines, et que la personne va développer une forme de stress du stress. Ce qui arrive tout à fait, Ah c'est oui, un peu voilà, une forme d'appréhension d'être de... stressé. Voilà, exactement. Et même au-delà de ça, c'est plutôt l'appréhension d'être angoissé, de ressentir un mal-être psychique et physique. Bah là, on développe D'accord. ce qu'on appelle de l'angoisse généralisée, où D'accord, l'angoisse c'est est le terme tellement que je ne connaissais présente qu'elle pas. fait, Ouais. voilà, elle fait partie de ta vie. Tu te lèves le matin, tu es angoissé. Tu manges le midi, t'es angoissé, D'accord. et tu regardes un film, t'es Ah angoissé. Enfin, oui. D'accord. Ouais, ça ouais. fait partie de ta vie, quoi. Donc Et c'est donc là, dans oui, ce un cadre-là, mal-être un peu constant dans ce cas-là. ouais, c'est un mal-être constant, et évidemment, la peau, le corps Ouais. en subissent des conséquences plus ou moins visibles, quoi. Oui, évidemment. Ouais. Mais du coup, pendant cette période, tu ne voyais pas forcément de cause à ce ressenti. Alors, au début, non, mais après, en fait, en travaillant dessus, tu comprends les causes, et Oui, plus une fois que tu as profonde, du compris coup. les causes, voilà, exactement, tu peux réussir à travailler dessus et t'en sortir. D'accord, oui, je vois. C'est un Oui, peu et du coup, c'est un chemin. oui, un long parcours pour ouais, de travail sur soi en fait, pour trouver Exactement. un peu de Oui, le recul bon chemin. ensuite et régler. Ouais, d'accord. Et oui, donc c'est sûr que c'est pas facile à vivre. Du coup, toi aujourd'hui, tu te sens mieux par rapport à ça. Et est-ce que du coup tu peux nous dire un peu les différents impacts que toi tu as eu personnellement sur ta peau? Alors, le truc le plus bénin, ça reste, Ouais. enfin, le plus bénin qui arrive en premier, ce sont des démangeaisons au niveau du cuir chevelu pour ma part, et des peaux sèches, D'accord. Ah oui. qui restent toujours d'ailleurs, même après être totalement soigné de l'angoisse généralisée, même si totalement n'existe pas vraiment, mais Ouais. ça reste. Ce sont les premiers indicateurs du fait que, ah ok, là je ressens un petit peu de stress, c'est un petit peu compliqué, il faut que je prenne des précautions. Ah oui, d'accord. Donc D'accord. ça, ce sont C'est un les deux indice. premières choses, et je pense que c'est même la majorité des gens, ils ressentent ça d'ailleurs. Oui. Du coup, enfin, tu veux dire que... Là, tu veux dire que c'est cet indice-là qui te fait prendre conscience que tu es stressé. C'est pas forcément une sensation. Tu le vois Ouais. grâce À la à cet peau, ouais. impact sur ta peau. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah ouais. Le corps, on va dire les sensations physiques, c'est très facile de les Viennent ignorer. avant. Ah Ouais. ouais, je vois. D'accord. Enfin, Oui, donc les tu estimes que sensations physiques tu. corporelles, douleur au ventre, sentir un petit peu Oui, d'accord. comprimé Oui, le surtout si thorax, ça c'est c'est. constant. Oui, Oui. dans un cadre un peu latent comme ça qui perdure, on peut finir par s'habituer en fait à cette sensation sans réaliser que Ben, c'est pas notre état ouais. normal entre guillemets. Oui, je vois. Ouais, D'accord. c'est ça. Alors que en effet la peau qui pèle, etc. Là, c'est assez clair On que peut pas passer à côté. ouais, je vois. D'accord, je comprends. Oui, c'est sûr. Et est-ce que, par exemple, pendant cette période comme ça, tu voyais qu'au moins en vacances, tu te sentais mieux, que tu avais moins d'imperfections au niveau de ta peau, etc. Ou non, c'était vraiment permanent? Quand tu es dans l'angoisse généralisée, malheureusement, c'est quasiment C'est permanent. Il vraiment va peut-être permanent. avoir une Ah ouais. diminution, surtout si tu es loin. Genre, moi, j'avais changé de pays pendant un certain temps, et ça m'avait D'accord. écarté de pas mal de choses qui ont fait que j'ai ressenti un mieux, en fait. Ça m'a permis de me reconstruire un peu, de Ah, voir un peu de de recul, repartir ouais. du bon pied, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, je vois. Ah, t'es parti où? Je Dans suis quel parti en pays? Pologne. Voilà. D'accord, ok. C'était pas longtemps, mais suffisant pour pouvoir peut-être Oui, encore y casser réagir le très rythme, vite. la Et routine, voilà, c'est ouais. ça. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et Donc du coup, ça aide qu'est-ce pas que mal. tu... Ouais, bah ouais. C'est une des pistes, toi, que qui enfin, que tu as suivi pour quitter cet état de stress un peu permanent comme ça. Et qu'est-ce que tu as essayé et mis en place pour limiter les effets du coup sur la peau, côté hygiène de vie peut-être, côté produits cosmétiques? Alors, en fait, j'allais voir un dermatologue au début quand l'anxiété commençait à se, enfin, l'angoisse commençait à se généraliser pour m'aider notamment D'accord. avec mes problèmes de peau. Je pensais pas que j'avais pas le déclic de me dire c'est lié au stress Ouais, parce je que vois. j'ai toujours un peu vécu avec de la peau sèche et des choses comme ça. Et donc, j'ai eu D'accord. des dermatologues qui n'ont pas été très attentifs au fait que c'était un état anxieux général, etc. Et qui m'ont proposé des traitements D'accord. plutôt forts que OK. je n'ai pas pris. D'accord. Par contre, ce que j'ai trouvé, et là, bon, mes parents m'y ont aidé, d'autres proches m'y ont aidé, médecins généralistes aussi, Ouais. c'est des Ouais. traitements beaucoup plus basiques qui calment un peu Ouais. toutes sortes de Localement. démangeaisons, voilà, localement, notamment une crème qui s'appelle l'homéoplasmine. Je t'en ai longuement parlé par Ah oui. message. Ouais. C'était Voilà, le c'est remède miracle pour toi. exactement qui va déjà calmer les rashes qui apparaissent un peu spontanément sur la peau, les démangeaisons aussi au niveau du cuir chevelu. C'est un corps très gras et ça calme Ouais. vraiment un soulagement parce que j'ai essayé comment dire, des shampoings exprès pour des choses comme ça. Ouais. C'est pas top. Déjà, il faut être très Ah, précautionneux. Déjà, tu d'accord. stresses en t'en mettant parce que tu te dis, oh là, faut pas que ça tombe dans mes Oui. yeux, faut suivre bien les doses, le temps et tout ça. Pour moi, c'était une charge mentale Ouais. en plus que plutôt me Ouais, je vois. détendre, prendre mon shampoing favori et tout, et puis après me mettre de Ouais. l'homéoplasmine si vraiment ça agissait. En fait, au fur et à mesure de ces années, ma vision sur le corps a beaucoup changé. Je vois plus comme un D'accord. compagnon de route Ah. qui est là Ouais. pour m'aider plutôt qu'une contrainte. Donc les produits que je prends sont en adéquation avec cette philosophie-là Ah, je et je vois. cherche à réduire. Après, je me fais avoir, je suis comme tout le monde, mais je cherche à réduire au maximum l'impact des cosmétiques sur ma vie. Ça ne doit pas être une contrainte. D'accord. Est-ce que tu essayes d'en utiliser le moins possible du coup? J'essaye, j'essaye. Mais ouais. Ah ouais, c'est ce que j'essaie. J'essaie plutôt C'est de ce soigner vers quoi tu l'esprit. veux tendre. Et puis, voilà. D'accord. Mmh. J'essaie de soigner l'esprit le maximum. Maintenant, une fois que je suis sorti de tout ça, c'est surtout l'hygiène de vie que je privilégie le plus. Je me mets dans des endroits qui sont plutôt calmes. J'essaie de faire Ouais. du sport. Je me mets un peu au yoga, des choses comme ça. Enfin, beaucoup de Ah choses oui, qui je me vois. permettent de, D'accord. voilà, faire de la connexion entre l'esprit et le corps. Parce que souvent, quand tu es dans Ouais. l'anxiété, quand tu es dans l'angoisse, tu n'es jamais dans le présent. T'es souvent dans le futur, dans le Oui, passé, le présent l'anticipation, pas comme tu vraiment. disais. Ouais. Ah Voilà, t'es beaucoup oui. dans l'anticipation et en fait tu te déconnectes complètement de ce qu'est vraiment la réalité puisque si tu vis dans une anticipation du futur, personne ne sait prédire le futur, encore moins toi. Donc du coup tu voilà Tu peux que le fait de se dramatiser mettre ou une oui. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, te laisser prendre par des pensées qui sont mauvaises pour toi, puisque du coup, tu es déjà faible, peut-être fatigué à cause du stress, des choses comme ça, donc ça n'arrange rien, quoi. Oui, ouais, je vois. Le plus dur, c'est de On commencer, a, c'est ouais. d'arriver à se mettre la discipline. Oui, alors tu vas nous en dire un peu plus dans un instant. Il y a Amandine qui voulait intervenir. Salut Amandine. Ah, bon, petit bug d'Amandine. Oui, du coup, tu as vraiment adopté une certaine discipline niveau hygiène de vie pour vivre aussi l'instant présent. C'est vrai que quand on fait du sport, là, on est vraiment dans le Ouais. ressenti actuel, quoi, immédiat. T'as pas le choix, ouais. Ouais. Donc tu te plies à une certaine fréquence, c'est ça, par exemple? Ouais, j'essaie de m'y tenir le plus possible à côté du travail, des choses comme ça. Mais c'est ça, aller courir, se retrouver au grand air, Ouais. faire de la rando, des choses voilà, qui te Ah ouais, permettent je vois. de réaliser que tu es dans un contexte naturel et puis surtout, il faut penser à Oui. toi, dans le sens où ta respiration, elle est essentielle. Ta consommation aussi, Ouais. calorique, essentielle aussi à tenir. Enfin, voilà, s'occuper de Ah soi et oui, ça je vois. permet Ouais. de retrouver Se un petit peu. reconnecter à soi-même. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, puis pour rebondir sur ce que tu as dit, le fait que le corps est un compagnon, c'est vrai que on peut, au départ, quand on voit des imperfections sur sa peau, etc., le voir comme un ennemi qui nous empêcherait d'atteindre un modèle de beauté qui parfois nous est un peu trop proposé par les médias, etc. Et du coup, enfin, le fait de plutôt se dire que notre corps est là pour nous alerter, que s'il a un souci, c'est plus un avertissement de ce qui se passe à l'intérieur. Une fois qu'on a conscience de ça, c'est vrai on le vit mieux en fait. Et on le Tout respecte à fait. peut-être mieux. Et j'étais le premier, je pense, à me faire avoir quand j'étais ado, à essayer de me coller à une Oui. perfection de la peau. Je suis assez Ouais. soigné, donc du coup, j'aime Ouais. bien avoir une peau lisse, Net. voilà. Ouais. Voilà, Ah net. oui. Et du coup, je mettais beaucoup de crème hydratante. Je D'accord. mettais tout un tas de choses et ça me stressait. Enfin, je passais du temps à essayer d'être comme ça. Enfin, comme je ne suis Oui, pas vraiment au d'accord. final, à contraindre mon corps, quoi. Ouais, je vois. Oui. Oui, puis du coup, oui, tu étais obsédée. Peut-être que tu te regardais souvent dans la glace. Enfin, moi, je sais qu'à l'adolescence, c'était ça. Il fallait toujours que je regarde si tout était bien, Ouais. bien en place, si la peau était bien nette, etc. Et ça, quand ça tourne à C'est l'obsession, ça. c'est pas très Bah, c'est pas vraiment enrichissant. obsessionnel non plus, mais c'était en gros, Oui. voilà, je me prenais la tête pour Ouais. pour plaire, quoi. Pour ce que. Ouais, je vois. Et pour ce qui aujourd'hui peut te sembler plus être un détail, en fait, enfin, Ouais, si tu as une surtout que je le approche. faisais mal. Ouais, au J'utilisais pas les contraire, tu as bonnes abîmé un peu ta peau. crèmes. Ouais, D'accord. voilà, c'est ça. Ouais, J'aggravais les des choses. produits un peu astringents, peut-être? Des produits un peu agressifs, en fait? Ouais, enfin peut-être, j'ai pas regardé beaucoup les marques. Je sais qu'il y a des marques avec lesquelles ma peau s'entend pas très bien. Par exemple, Ouais. Nivea, ça me fait pas un bon effet sur la peau. Tu Ah, sais, la crème de base de peau d'accord. bleue. Oui, je vois tout à fait, ouais. Ça me provoque des rougeurs sur la peau. Je ne sais pas si c'est un des composants qui fait ça Ah, ou autre. d'accord. Mais avant, je ne faisais pas forcément. Enfin, je veux dire, je voyais que ça me faisait mal, mais je ne pensais pas que c'était directement lié au produit. Je pensais que c'est en appliquant pendant un certain temps que ça allait passer. Oui, je vois, d'accord. Tu disais, faut prendre l'habitude et la peau va se plier. Exactement. Exact. Ça marche pas comme ça. Spoiler alerte, Ouais, c'est mort en fait. ouais, ouais. Voilà. Ouais, du coup, pour résumer, si tu avais un conseil à donner, c'est de mieux respecter en fait sa peau, son corps et de ne pas la considérer comme un ennemi. Oui, c'est ça. Et puis surtout de regarder du côté des... Enfin, vraiment prendre le temps de regarder les produits qu'on va consommer. Essayer Ouais. le plus possible. Maintenant, c'est dans l'air du temps. C'est beaucoup plus facile à trouver qu'en 2010 ou un petit peu C'est avant. vrai. Des produits bio, des produits vraiment issus naturels, pas trop transformés. Voilà, privilégier ce genre de choses. Bon, après, l'homéoplasmine, c'est peut-être pas le Ouais. meilleur exemple du monde, Mais mais après, c'est il faut ce qu'il faut efficace. aussi, hein. Voilà. Oui, bah une fois. Et puis peut-être qu'on peut conseiller une fois qu'on trouve quelque chose qui nous convient d'éviter de trop changer pour moins Oui, exact. solliciter la peau, etc., quoi. Alors, du Ouais. coup, est-ce que tu pourrais peut-être nous faire rire puisque tu as utilisé pas mal de produits? Est-ce qu'il y aurait une erreur un peu que tu aurais faite avec des produits de beauté mal utilisés, une gaffe cosmétique Alors, mal éventuellement? utilisé, très certainement. Ouais. J'habite donc du coup pas loin de la montagne et on faisait une sortie neige, une sortie ski. Très D'accord. bonne, très mauvaise idée de ma part de mettre de la crème hydratante le matin sur mes joues Ah. parce que j'avais la peau sèche. Du coup, ça D'accord. fait effet loupe et puis ça m'aggrave, enfin, ça aggrave tout quoi. Ah. C'est Ah, très d'accord. douloureux à ne pas faire. Mettre de la crème solaire, tant pis pour la peau sèche. Ah, alors Voilà. attends, j'ai pas compris, c'était une crème hydratante ou une crème solaire du coup? Ah non, c'était pas du tout solaire, c'était vraiment hydratant. Et ça a Et plutôt. Ah, après, ça a fait loupe par rapport aux UV. oui, exactement. D'accord. C'était une crème très riche, en fait, sans doute avec beaucoup d'huile. Et donc, c'est un peu comme l'huile de Monoï, par exemple. Ça va complètement attirer, faire réagir le. Enfin, faire. Ouais, activer Ouais. le bronzage, mais de façon excessive. Ah, et du coup, tu as été tout rouge après, parce que oui, à la montagne, ça tape pas mal. D'accord, Ça tape ouais. pas mal, ouais, exactement. Oui, parce que bon, à l'époque, ma mère, elle disait, ah, tu sais, la crème hydratante, c'est si tu vas pas au soleil. Et moi, je lui disais, ok, D'accord. mais par contre, j'ai la peau sèche, ça colle pas, quoi. Ouais. Mais bon. Mais donc après, t'avais pas mis de crème solaire du coup, par-dessus. Et non. Et Ouais, non. oui. Alors que normalement, on peut quand même mettre de la crème hydratante, mais c'est sûr qu'il faut absolument un filtre solaire derrière, surtout s'il y a de l'huile du coup dans la crème, c'est sûr. Ok, Et ouais, pas cool. C'est sûr voilà. qu'avec le soleil, il peut y avoir de sacrées réactions. En parlant de réaction, on a Juliette qui réagit. Attendez, du coup, j'ai une question. Quand on va au soleil, il faut pas mettre de crème hydratante? Alors, bah, Juliette, tu as peut-être entendu juste après, on peut toujours mettre une crème hydratante, mais il faut quand même, bien sûr, ensuite appliquer un filtre solaire, parce que si ta crème hydratante est composée avec principalement de l'huile, ce qui peut arriver pour les crèmes destinées aux peaux sèches, et bah, comme disait Steven, ça peut faire un effet un peu loupe, puisque l'huile va un peu... Je pourrais pas dire scientifiquement le mécanisme, mais l'huile en tout cas et le soleil, ça fait pas forcément bon ménage. Et ce qui compte, c'est bien sûr de mettre après un filtre solaire par la suite, quoi. Et est-ce que tu pourrais du coup, on l'a peut-être déjà compris, mais nous dire quel est ton produit de beauté incontournable ces temps-ci, Steven? Alors l'homoplasmine, non, Ouais, bah c'est ça du coup. non, mais c'est pas vraiment un produit de beauté au sens propre du terme, puisque c'est plus un produit de réparation et même de voilà, c'est ma roue de secours Oui. quoi. Non, produit de beauté Ouais. que j'aime plutôt bien, qui me fait du bien en ce moment, c'est une crème nourrissante hydratante que j'ai trouvée chez Lush, D'accord. qui s'appelle Ah oui. Skin Drink. Et OK. c'est une crème nourrissante à l'huile de sésame, il y a de l'avocat aussi dedans, enfin, il y a plein de choses. D'accord. Et une odeur plutôt rafraîchissante, quoi. Donc, ça permet D'accord. voilà, Et d'être ta un peau peu réagit bien bien. tendre. Ouais, ma Ah peau ouais, OK. réagit bien, ouais. Enfin, je Ok. complète. Enfin, le soir, j'utilise un autre truc. C'est pareil Ouais. chez eux aussi qui font ça. C'est de l'huile, mais solide. C'est comme un savon. Ça s'utilise comme un Ah. savon. D'accord. Je le produis juste là pour lire dessus. Ça s'appelle argan. Et ouais, en fait, c'est de l'huile d'argan qui est en petit Ah, savon. sous On le forme passe de dans la pain. main Ouais, et d'accord. voilà. Et le soir, je le passe sur le visage. Ça permet voilà, de faire D'accord. clean quoi. Et le simple fait de la friction permet de transformer le produit solide en huile. Ouais, totalement étonnant, je connaissais pas du tout et comme quoi on arrive à faire Ouais, des c'est trucs sans marrant. emballage, voilà, c'est vraiment cool. Ouais. D'accord. Ah ouais. Bon, à savoir si vous avez Littéralement, il fuit dans la la main. peau sèche, chers auditeurs. Comment? Littéralement, ils fondent dans la main. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est plutôt sympa en Donc plus tout ce attention, qui est voilà. transformation. Oui, il faut pas le gâcher du coup. J'imagine que pour Ouais. le stocker, il faut certaines conditions. Et alors, du coup, merci Steven pour ton témoignage voilà, sur Beauté Imaginée. On s'est intéressé à la beauté et au stress avec l'histoire de Steven. Et ce soir, chers auditeurs, c'est le moment d'imaginer mon bel invité. J'aimerais du coup que vous deviniez les trois caractéristiques suivantes. L'âge de Steven tout d'abord. Ensuite, est-ce que vous pensez que Steven aime plus en termes de paysage la mer, la montagne, la ville, la campagne. Et vous pouvez également deviner quels objets récemment Steven a commencé à collectionner. Alors, il n'y a pas eu forcément d'indice, hein, mais qu'est-ce que ces premières minutes qu'on a passées ensemble vous ont inspiré du côté de Steven? Dites-nous. Toi, généralement, Steven, niveau âge, en tout cas, tu fais plutôt, on te dit que tu fais plutôt plus ou moins dans la vie? On me dit que je fais plutôt moins. Très étonnant d'ailleurs, mais Plutôt moins. plutôt moins. D'accord. Très quoi, tu as dit, pardon? Ça m'étonne à chaque fois qu'on me dit ça. Ah, d'accord. Toi, tu aurais l'impression de faire plus. Ouais, de faire plutôt plus. D'accord. Alors, en tout cas, ce soir, nous avons Juliette, Claire, Esther, Léa, Astrée, Cricri, Andrea, Sophie, Daphné, Amandine, Marine, Caro, Charo, Vincent et Shadé qui nous écoutent. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ses caractéristiques concernant Steven, son âge, le paysage qu'il préfère et les objets qu'il a commencé à collectionner récemment. Et nous avons Juliette qui se lance. Je pense que Steven a 28 ans, à peu près, et qu'il préfère la montagne. Bon, je dis ça parce qu'il a dit qu'il habitait à côté de la montagne. Et pour la troisième question, j'en ai aucune idée, je vais réfléchir. Alors, on ne répond pas tout de suite, Steven. On va voir les autres propositions. Tu as évoqué la montagne, en effet. Alors, est-ce que c'est ton paysage préféré? Tu vas nous le dire dans un instant. Qu'en pense Marine? Salut, Marine. Alors, pour l'âge, a priori, il a fini ses études et il a eu 5 ans de stress, adolescence ou un petit peu post-adolescence. Du coup, je dirais qu'il a entre Ouais. 25 et 30 ans. Ah, toute une stratégie hein, pour répondre à cette question. Au Alors, niveau Marine continue. de ce qu'il préfère entre mer et montagne, vu qu'il a l'air d'habiter près de la montagne, je dirais la montagne, mais bon, ça veut peut-être pas dire grand-chose. Et par contre, pour la troisième question, je ne sais pas du tout. Qu'en pense Cricri? Je dirais 30 ans. 30 ans. 30 ans pour Cricri. Je dirais Juliette. qu'il collectionne des montres. Des montres. Pourquoi pas. Je vais Cricri. dire plutôt la mer. Oui. Cricri se penche sur la mer. Éclair. Bonsoir Je Claire. dirais que Steven a 27 ans, pour ne pas dire comme Juliette. Et effectivement, la montagne, et peut-être collectionne-t-il les flacons de parfum. Ah ouais, ce serait totalement en lien avec beauté imaginée, avec le thème, les thèmes qu'on aborde, mais je ne veux pas dévoiler tout de suite. Astrée. Moi, je pense qu'il a 25 ans. 25 ans pour Astrée. Léa. Moi, j'aurais répondu comme cri-cri. Donc la mère plutôt. Astrée. Et là, c'est toujours sur le téléphone d'Astrée, mais c'est Alexandre. Moi, je pense qu'il a 27. Alexandre. 27, c'est ce que ta voix Steven inspire à Alexandre. Donc, chers auditeurs, la question un peu difficile de l'objet collectionné, ça, c'est trop difficile de deviner. Bon, je reconnais que c'est. Enfin, comme il n'y a pas eu d'indice dans nos échanges, c'est compliqué. On a eu du coup les montres et les flacons de parfum. Alors, Steven, révélation. Alors, je me suis mis à m'intéresser un peu à la coutellerie et depuis quelque temps, Ouais. je m'intéresse aux couteaux traditionnels et j'en ai quelques-uns. Donc voilà, qui Ouais, viennent un peu d'accord. partout. Ouais. Donc, c'est-à-dire, par Voilà. exemple, t'en as Bah, combien par maintenant? exemple. J'en ai pas énorme, mais j'en ai 4, 5. Ça, c'est Ouais. des choses qui sont plus avec de l'affection, avec de l'histoire. J'ai du D'accord. Weigle, donc traditionnel français, Opinel, Oui. Victorinox pour la Suisse. Et sinon, j'aime bien ce qu'ils font aussi de l'autre côté de l'Atlantique avec les couteaux Buck et D'accord. Letterman, c'est du multi-tool. Enfin, voilà, j'imagine que ça parlera pas à grand monde C'est ça, dans... je reconnais que la gueule, si, voilà, parce que oui, c'est comme tu as dit, hein, traditionnel français, donc Voilà, ça, traditionnel on l'a français. souvent croisé. Ouais, mais c'est en tout Mais... cas, j'ai trouvé que c'était un hobby assez original, donc c'est intéressant. Du coup, ça s'appelle la coutellerie, parce que tu vois, ça, même ça, je ne le savais pas que ça existait, Exactement. ce terme, la coutellerie. Voilà. Et est-ce que tu peux Et... nous dire. Peut-être Non, non, ton mais âge et je t'en prie. En fait, je voulais juste dire par rapport à la coutellerie que c'est très vaste et il y en a plein de milieux ouais, différents, plein d'histoires différentes, d'origines différentes. d'accord, Et ce qui est très ouais, intéressant, c'est de savoir l'utilisation qu'il y avait à la base, parce que les couteaux, ils ont une certaine forme, mais c'est pour répondre à un besoin à la base qui était différent pour tous, précis. quoi. Ah Voilà, oui, ceci d'accord. juste la petite Ah. parenthèse pour refermer, pour un peu plus s'expliquer que c'est Oui, comment pas. on peut Voilà. s'intéresser particulièrement? Ouais, je vois. Oui, parce qu'il pourrait y avoir d'autres. Oui, on peut se dire que tu aimes découper Exactement. des choses, mais là, c'est le Voilà, côté c'est ça. Non, c'est historique de pas. chaque. Oui, ça peut être un hobby bizarre peut-être, ou la chasse, hein. Voilà, tout à fait. Mais Ouais, du non, coup, pas du tout. C'est la dimension historique qui te plaît. Ok, Exactement, ouais. intéressant. Est-ce que tu veux nous dévoiler ton âge? Alors, vous étiez tous pas loin. J'ai 26 ans, Ouais. donc presque quoi. Donc, on t'a plutôt Voilà. donné plus encore là. Ah, ben non, Oui, on m'a justement, à l'inverse plutôt. de dans la vie. Donc, ta voix et Oui. ton récit ont inspiré un âge plus avancé que le réel. Oui, apparemment. Ouais. Physiquement, je pense que je fais plus jeune parce que j'ai un visage pas trop marqué. Par contre, j'ai des Ouais. cheveux gris qui sont vraiment la marque de mes années d'anxiété. Ah, Donc, j'en ai un peu d'accord. partout, quoi. Ça, vraiment, j'ai Ah 26 ans oui. et j'en ai plein. Donc, au D'accord. début, je leur Parce faisais un peu la que, ouais. chasse, mais j'ai abandonné, quoi. Oui, et il faut assumer aussi. Enfin, Ah oui, c'est je connais ça. pas assez Ça revient. ta vie pour me, ouais, me positionner, mais c'est vrai que ça fait partie de toi aussi, puisque tu as réussi à tourner cette page un peu douloureuse, etc. Bah, ça te rappelle que tu as fait ce long parcours et que tu as C'est réussi, quoi. ça. C'est mon Et tatouage à moi, du quoi. coup, ah bah oui, pour ouais. En plus, pour revenir, on avait fait ce thème la dernière fois, donc ouais, Exactement. ça me fait un petit rappel. Et niveau paysage, du coup, là c'était plutôt facile, puis tu l'as évoqué, ton paysage préféré, l'endroit où Bah, la tu montagne. te sens le mieux, voilà, Bien sûr. reconnecté. Ah ouais, Oui, tout à fait. c'est paisible, etc. Et puis là, pour prendre du recul, le fait d'être en hauteur, bah forcément, ça, il y a un lien, quoi. Exactement, au sens propre du terme, c'est vraiment prendre de C'est la ça. hauteur, quoi. Voir les choses Ouais, sous c'est un clair, c'est autre clair. angle. Donc, chers auditeurs, si vous ne savez pas où partir cet été, ça, c'est vrai que la montagne, ça peut être sympa. En été aussi, hein, d'ailleurs. Exactement. Et oui, Alors, surtout, on a bah, vous allez plein de éviter la réactions. canicule, quoi. Oui, ça peut un peu la réduire. Bon, ça dépend, hein, cela dit, parce que, ouais, enfin, pour tout Oui, ce qui est coup de c'est. soleil et tout, on l'a évoqué, c'est pas forcément l'endroit où Non, on est le mais plus protégé. je mens un peu. C'est clair qu'en montagne, il peut faire extrêmement chaud et puis Ah ouais, avoir de très d'accord. violents orages. Donc, Ah oui, ça c'est passe d'un vraiment pour le extrême à changement de l'autre. paysage. L'avantage, ce Ouais. serait d'avoir au moins la pluie en fin de journée, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ça c'est idéal, c'est vrai. Alors, écoutons les nombreuses réactions des auditeurs. Merci de votre participation, Astrée. Je pense qu'ils préfèrent plutôt montagne, mer. Enfin, ouais, non, surtout montagne, pas trop ville. Ok, donc bien joué, Astrée. Moi, j'aurais dit qu'il préférait plutôt la campagne. Ok, on reste sur un environnement plutôt paisible et pas urbain, très bruyant et tout ça, par rapport à tout ce que tu as dit, le fait d'être au calme et tout, ouais, c'est sûr, Tout à fait. ça Ouais. correspond. Je Cri-cri. dirais aussi des flacons de parfum. Ah, la copieuse. Est-ce que ça te Mmh. serait venu toute seule, Cri-cri? Astrée? Moi, je pense plus campagne-mer. Ah, Alexandre. Campagne-mer. Eh ben non. Moi, j'aurais plutôt dit campagne, mer, montagne, ville, mais au même, enfin, un peu tout regroupé. La Suisse, quoi. Ah ouais, j'avoue. Enfin, non, la Suisse. On aurait le lac, mais. Oui, ouais, bon, c'est déjà ça, quoi. Non, c'est vrai, il y a de tout là-bas. Donc, il ne Juliette? faut pas contrarier Steven, a priori. Par rapport à ta collection de couteaux. Oh, mais ils sont tout Est-ce que petits, quelqu'un je fais pas grand-chose. qui t'a donné l'âge le plus avancé Ah, bah qu'il alors se là. sente un peu en danger? Moi, je pense Astrée? plutôt. Bon, vous l'avez pas Alexandre? dit, mais je pense que Steven, il est plus banquise-mer. Ouais, dans ces eaux-là. N'importe quoi. Ah, dans ces eaux-là, c'est le cas de le Banquise. dire. Banquise-mer. Alexandre est fier de sa blague. Claire? Que pense Steven des couteaux japonais? Parce que Ah! c'est presque un art là-bas. Ah! Voilà. Alors, Steven, est-ce que Voilà, oui, c'est un ça, art. c'est un des couteaux que tu souhaiterais acquérir? Oui, bien sûr, mais c'est très difficile parce qu'il y a de tout en fait. C'est tellement vaste la coutellerie japonaise que du coup, déjà, ouais, c'est trop vaste. Donc, je ne me Ah, suis pas encore d'accord. intéressé. Je regarde ça de loin. Ouais. Peut-être un jour, je m'y Prochain intéresserai épisode. plus en profondeur. Mais là, ouais, je me suis intéressé déjà à ce qu'on faisait en Europe, juste à côté de chez nous. Ah oui. Enfin, chez nous plutôt. Et aux États-Unis, États-Unis, Canada, Mexique, Amérique du Nord, quoi. Ouais, d'accord, il y a vraiment beaucoup, beaucoup à apprendre, quoi. C'est vrai que moi, je n'étais Ouais. pas du tout au courant, tu vois, donc ça, c'est marrant. Donc peut-être le Japon dans tes prochaines recherches ou prochain voyage très dépaysant, pour le Voilà, coup, le plutôt Japon. voyage et là-bas un souvenir, Ouais, tu vois. oui, c'est ça. Ouais. C'est Alors, ça à l'objet. je dirais qu'il collectionne les quelque chose en rapport avec les animaux, mais en même temps, c'est pas facile. Ou avec les fleurs, enfin la nature, quoi. Peut-être La les faune et la plantes, flore. ta gueule. Les plantes ou. Oh! Eh, dis donc, Astrée, restons polis sur notre chaîne. On parle de calme et de bien-être. De Ou sérénité. peut-être qu'ils collectionnent les applications mobiles. Astrée sait que Voilà. tu es développeur dans la vie. Tu vas nous peut-être te présenter juste après. On va d'abord écouter le commentaire de Alcoolique. Salut Alcoolique. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, bonsoir, alcoolique. bonsoir. Et Est-ce que Juliette? l'air frais de la montagne aide à déstresser ou pas spécialement? Ah bah oui, je crois que. Ah, le côté froid, vraiment. Bah, ça dépend. Ouais. Ça dépend du contexte dans lequel on est. Quand tu es dans le stress quotidien, oui, bien sûr que ça t'aide. Les bienfaits sont immédiats. Tu peux directement sortir de ton quotidien. La nature, elle aura la chance de te proposer toujours un environnement très différent, un paysage très différent. Par Ouais. contre, quand tu es dans l'angoisse plus généralisée, que ça fait pratiquement partie de ton identité, c'est très compliqué de s'extraire de quelque chose, de profiter de la nature qui s'offre à toi, quoi. Voilà, pour Ouais. répondre. Oui. Mais oui, sinon, je ne peux que conseiller de temps en temps un beau bol d'air frais. Ouais. À la montagne ou même à la campagne, c'est déjà largement bien aller voir les animaux qui sont dans le coin et tout ça, c'est voilà. Ouais, ça. Se reconnecter à la nature. Et sinon, du coup, quelle est ton activité? Enfin, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Steven? Bah, comme tu l'as dit, je suis développeur spécialisé dans le développement d'applications web, donc tout ce qui est site internet, site promotionnel. Pour différents clients. Voilà. Et puis, c'est déjà pas mal. Hein. Est-ce que tu as pu télétravailler en pleine nature là, avec toute cette Ouais. période? Ça a été mon objectif de fin 2020, c'était de partir de la ville Oui. pour aller me ressourcer en nature. Donc, j'ai réussi. Ça y est, j'ai trouvé une Objectif entreprise. atteint. Voilà, objectif atteint. Donc, ça roule plutôt bien en ce moment. Voilà, c'est pas facile à Ok, faire le bah. pas, mais en tout cas, si vous hésitez, Oui. bah, lancez-vous. Ouais, on ne Mais c'est regrette pas pas facile, après. c'est clair, c'est pas facile. Bah, Oui. ce qui est difficile de se dire, c'est qu'il y aura toujours une solution. Le moment où on veut faire le pas, c'est dur parce qu'on se dit, ah là là, je vais quand même quitter tout un tas de trucs, je vais peut-être même quitter mon taf Ouais. actuel, ce que moi j'ai fait, j'ai Ouais. changé de boîte et tout ça. Il y a toujours des Ah contextes oui. très différents. Pour certains métiers, c'est plus facile que d'autres. Mais voilà, faut essayer. Et Si on puis en allez, on ressent le verra. besoin, de toute façon, ouais, on n'a qu'une vie, comme on dit, autant tester un nouvel Voilà, c'est ça. environnement, quoi. Voilà. Eh bien, du coup, nous allons passer à notre quiz sur ce fameux thème stress et beauté version masculine. Ce soir, j'ai sept questions, Steven, ainsi que deux bonus, c'est-à-dire qu'elles font référence à des sujets évoqués lors du dernier live. Combien tu vises ce soir, donc sur neuf questions au final? Il y en a 9, c'est dur. Hein. Je vais viser petit, je vais viser 5. Ok, ah, déjà plus que la moyenne, pas si petite. Va falloir Ah oui, d'accord. Ok. s'y tenir Alors, maintenant. j'aurais peut-être dû dire 4 en fait. Ou 3, je sais pas. Ça n'engage pas à grand-chose, mais bon, c'est toujours marrant de voir comment on se positionne. Ouais, bien Alors, sûr. chers auditeurs, c'est le moment de participer à nouveau. On va du coup attendre vos idées à chaque fois sur les affirmations. Vous allez nous dire si, selon vous, les affirmations sont vraies ou fausses. Qui nous écoute à l'instant? On a Juliette, Léa, Astrée, Cricri, Sophie, Amandine, Caro, Charo, Daphné, Claire, Leïla. Eh bien, merci en tout cas à tous d'être là et j'espère que c'est un thème qui vous inspire. En plus, en ce moment, je crois que on est en plein bac, etc. Donc, dans beaucoup de foyers en France, ça doit être un thème, hein, le stress. Et là, on s'intéresse à son impact sur la beauté dans Beauté Imaginée. Première affirmation. La science étudie plus les effets du stress sur les hommes que sur les femmes. Selon toi, Steven, est-ce vrai ou faux? La science étudie Malheureusement, davantage les effets du stress sur les hommes que sur les femmes. bah, malheureusement, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. J'espère que c'est voué à changer, mais je dirais vrai. Pour toi, c'est vrai. Alors, qu'en pense Juliette? Je suis là pour vous aider au quiz en cas de besoin. Eh oui, J'aurais dû Juliette, attendre la réponse de la pro des Juliette. prud. Mais oui, mince, qu'elle n'a même pas donné d'ailleurs. Elle va peut-être nous dire, ah, je crois pas Je qu'elle a fait dirais une autre vrai, quelque chose me dit réponse. que les hommes sont légèrement plus stressés, peut-être. J'aurais dû répondre faux D'accord. alors, je sais pas. Ouais, En tout cas, tu n'as pas la même justification que Juliette. Toi, tu dis, ah, c'est... Enfin, tu dis, c'est déplorable. Juliette pense qu'on fait ça parce que Ouais. les hommes sont plus stressés. Qu'en pense Je Astrée? pense que c'est plutôt faux celle-là. Pour Astrée, c'est faux. Elle n'est pas d'accord avec Juliette et Steven. Sophie, salut Ah, Sophie. moi j'aurais dit faux. Qu'on étudierait autant les hommes que les femmes en matière de stress. Claire? Vrai. Claire est d'accord avec toi. C'est un vrai sûr et certain. Ouais, c'est ça, exactement. Tranché. Moi, Cri-gri? je dirais que c'est plutôt les effets sur les femmes. Qui sont étudiés davantage que ceux sur les hommes. Bien joué, Steven. En fait, Ah oui, on étudie mince. bien davantage les effets du stress sur les hommes que sur les femmes. Apparemment, dans les expériences scientifiques sur les rats, on retirerait automatiquement les rats nouveau-nés femelles. Voilà. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, les mâles n'ont pas les mêmes variations hormonales que les femelles. Et étant donné que le stress affecte les hormones, il est donc plus facile d'étudier des relations de cause à effet chez les hommes, puisqu'on ne doit pas prendre en compte les variations cycliques pour voir voilà, à tel ou tel moment du cycle féminin, du coup, comment. Quelles sont les hormones et du coup si le stress les a impactés de telle ou telle façon. C'est en fait plus facile sur les hommes. Voilà, c'est la raison. Mais du coup, on passe peut-être à côté de Bien certaines sûr, informations. Donc, bien sûr. c'est quand Et même un même petit peu énormément, je dommage. pense. Énormément, parce que Bah ouais. les variations liées au cycle seront même, peuvent être très importantes. Donc, c'est bien dommage. Peut-être que c'est en cours de changement, mais en tout cas, ouais, c'est apparemment ce qui se fait le plus. Deuxième affirmation, les femmes sont plus sujettes aux maladies liées au stress. Vrai ou faux selon toi? Se basant sur rien, je pense que c'est plutôt vrai. Je pense que c'est plutôt vrai. Je pense que il est possible d'avoir une fragilité supplémentaire justement liée aux fluctuations hormonales, des choses comme ça. Mais je me base sur strictement rien. Donc, je vais attendre les réponses des autres. Mais je pense que c'est A plutôt. priori, tu dirais vrai comme ça. Ouais. Esther, salut Moi, Esther, merci j'aurais de dit que participer. c'est vrai, mais je suis pas sûre. Ouais. Esther pense comme toi. Vous marchez sur des œufs. Claire? Faux. Claire, en revanche, toujours de façon aussi certaine, mais pense que c'est faux, que les Ouais, mais femmes ne sauf seraient qu'elle pas a. plus sujettes aux maladies liées au stress. Ouais. Ouais. Elle a dit faux. Avec un le F bien bien prolongé, donc je pense que c'est pas le faux très. Je pense que Ah! il y a quand même, voilà, c'est pas si sûr que Une ça. hésitation. Une petite T'essayes hésitation, là, je d'analyser pense. la Ouais. syllabe de Claire. Léa? Exactement. Moi, j'aurais dit vrai. J'ai l'impression que les femmes, on est plus stressées que les hommes, mais bon, je suis pas sûre. Entre Ah, être j'ai un plus truc à dire là-dessus stressé. d'ailleurs. Ah, J'ai un truc. vas-y. Par rapport à ça, je suis d'accord, dans le sens où je pense que les hommes le cachent plus que les femmes. Du moins, dans mon expérience, Ça a été difficile de montrer aux autres que j'étais quelqu'un d'anxieux et de faire ma place. Ah, en tant qu'homme. Ouais, c'est ça, en tant qu'homme, parce que Ah, il y a plus de j'avais jugement. souvent. Ouais, exactement. J'avais souvent cette remarque, bah, pourquoi tu stresses? Il n'y a pas de raison. Ah ouais, Quand tu d'accord. stresses et qu'on te Ouais. dit ça, Ce bon, qui est bah, encore plus, merci. bah oui. Ouais, c'est contre-productif là, oui. Ouais, ça ne Exactement, fait qu'aggraver mais la situation. Ah c'est ouais. ça. Alors que j'avais des copines qui, elles, bah, elles pouvaient tout à fait dire qu'elles étaient en situation de stress ou que ça n'allait pas trop. Et elles pouvaient en parler beaucoup Ouais. plus facilement de mon impression vis-à-vis de Ah. leur entourage. Donc, Ah, je vois. bah, Ah merci pour cette ouais. réponse. Voilà. Et donc du coup, il y a quand même peut-être un petit une petite nuance à apporter. Peut-être que, enfin, je veux pas dire encore si c'est vrai ou faux, mais peut-être que les femmes seraient plus sujettes au stress, mais peut-être pas plus sujettes aux maladies liées au stress. Parce que Tout à fait, là, c'est peut-être. sur les Tout à maladies fait. liées au stress. On va le savoir dans un instant. Cri-cri. Moi, je dirais vrai aussi. Ok, Moi, je dirais Sophie. vrai aussi. Juliette. J'en sais rien du tout, mais je dirais faux. Je sais pas pourquoi je dirais que les hommes sont plus sujets. J'adore Juliette. Les réponses de Juliette, c'est super. Grande réflexion scientifique. Claire? Non, je prolonge mes syllabes parce qu'il faut faire minimum 3 minutes. Oui. Du coup, Ah, on ne peut pas En être 3 secondes. catégorique. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. On doit. Mais normalement, je crois qu'on doit un peu préciser sa pensée, peut-être. Ah, je Juliette? trouve ça très bête, les gens qui comprennent pas quand les autres stressent et disent justement qu'il n'y a pas de raison. Mais Ouais, c'est hyper agaçant en tout cas. ouais. Ouais, bah disons que peut-être que pour certaines personnes c'est dur à comprendre. C'est toujours plus facile quand on le vit soi-même, quoi. Mais c'est vrai que c'est dommage Ouais, qu'on l'a vécu. quand il n'y a pas une certaine ouverture. Bah ouais. Astrée? Je pense que c'est vrai. Enfin, j'ai un doute, mais je dirais vrai. Et Choraki, salut En ce qui Choraki. me concerne, j'aurais dit que les femmes stressent plus que les hommes. Mais je viens de lire un article ici présentement sur Internet qui dit qu'en réalité, ce sont effectivement les hommes qui stressent plus que les femmes en produisant 3 fois plus d'hormones. Ben voilà. Ah, merci Choraki de nous donner une source comme ça. Alors, en l'occurrence, par rapport aux recherches que j'ai faites sur les maladies liées au stress, il s'avère que les femmes y sont plus sujettes. Apparemment, les femmes auraient 2 fois plus de risques de développer de problèmes de santé liés au stress que les hommes. Donc, après, peut-être que la sensation de stress est quand même très répandue, plus répandue chez les hommes. Ça, je ne sais pas, mais au niveau des maladies qui sont liées au stress, les femmes sont plus à risque par rapport à ça. Donc, Est-ce que je peux bien te joué, demander, Steven. Ouais. merci, est-ce que je peux te demander de préciser maladie, ça veut dire maladie cardiovasculaire, maladie... Exactement. Oui, tout ce qui peut en ouais en enfin du coup ce qu'on va ce qui va nécessiter un traitement médical, une pathologie du coup. Ouais. D'accord, ok, C'est ça en marche. fait l'article faisait un peu la nuance du coup entre le ressenti peut-être émotionnel. Tu vois, du coup après même je sais pas l'image de soi et tout ça là ça va plus être dans de la psychologie. Et là c'est la question du coup c'est vraiment sur les maladies ce qui va nécessiter ouais, un traitement quoi. D'accord, ok. Alors, nous passons à la troisième affirmation. Le stress oxydatif, c'est le fait que le stress ait tendance à oxyder notre peau. Vrai ou faux, Steven? Oh, ça m'a l'air vrai comme ça. Je pense que c'est vrai parce que le stress à long terme vraiment oxyde. Enfin, du coup, engendre des réactions qui font que, ouais, en effet, se dégrade plus facilement, elle a tendance à rider quand on est vraiment stressé. Là, ma peau, elle est lisse comme pas permis, donc je peux pas dire. Mais c'est vrai que on a l'air tout de suite plus fatigué, plus marqué. Et je pense que, je sais pas si le terme c'est oxydation, mais en tout cas, si ça existe, c'est fort. Donc moi, je serais plutôt vrai, ouais. Alors, tu penses que c'est vrai. Donc, le stress oxydatif, cette expression qui existe, hein, voudrait dire, correspondrait au fait que le stress a tendance à oxyder notre peau. Cri cri. Je crois que le stress, c'est une réaction de défense de l'organisme quand on a le sentiment qu'on n'a pas les ressources pour faire face aux contraintes de son environnement. C'est un peu chiant comme définition, mais je crois que c'est ça. D'accord. Ouais, c'est une définition qui semble pertinente. Là, on s'intéresse à l'expression stress oxydatif qui peut être pas mal retrouvée quand on s'intéresse à la beauté. C'est pour ça que je vous pose cette question. Qu'en pense Sophie ? Moi, je dirais faux. Enfin, j'aurais pas dit que ça joue que sur la peau. Le stress oxydatif, Juliette. Je veux dire vrai, même si ça a l'air un peu facile. Claire ? Je pense que c'est vrai parce que toutes les maladies dermato qui découlent de stress ou d'anxiété, il y en a quand même pas mal. Donc, je pense que c'est vrai. Là, il y a un petit... je dois quand même vous dire, chers auditeurs et Steven, qu'il y a un petit piège parce que c'est le mot stress oxydatif qui donc pourrait faire penser au stress classique et qui en fait ne l'est pas totalement. Cri-cri. Je dirais vrai aussi pour cette question. Je pense que là, pour la question, c'est plutôt faux. Je dois dire que Astrid a vu juste. Shuraki. Moi, je dirais vrai. Parce que je pense que ça attaque quand même les cellules et voilà, ça se ressent sur la peau. Et moi, il m'arrive souvent d'être stressé et j'ai les cheveux blancs qui commencent à pousser un peu de partout, c'est-à-dire la barbe blanche et les cheveux blancs sur la tête aussi. Donc, je penche plus sur vrai. Ah bah tu vois, même expérience entre guillemets face au stress que toi, Steven, le fait que les cheveux, voire la barbe puissent blanchir. Alors, en l'occurrence, tout à fait, il y a bien un lien entre le stress qu'on peut ressentir et la peau qui s'abîme, etc. Mais là, pour l'expression stress oxydatif, ça ne correspond pas au stress qui oxyde la peau. Le stress oxydatif, en fait, ce n'est pas le stress qu'on ressent. Là, dans cette expression, le mot stress correspond un peu à une agitation, en l'occurrence, de nos cellules qui sont attaquées par des radicaux libres. Et du coup, les radicaux libres, ce sont des molécules instables qui sont créées quand l'oxygène fait une réaction avec nos cellules. Donc, en fait, ces radicaux libres, une fois qu'il y a eu cette réaction des cellules avec l'oxygène, ces radicaux libres vont s'accrocher à d'autres cellules partout, alors que ce sont parfois des cellules utiles à notre élasticité ou au tonus de la peau. Et quand un radical libre s'accroche à cette cellule utile, il la sacrifie, entre guillemets. Donc, le stress oxydatif, c'est bien sûr négatif, mais c'est pas forcément lié au stress émotionnel ou quoi. C'est plus quelque chose qui se passe en interne. Et par exemple, le tabac peut aussi créer un stress oxydatif, alors qu'il n'y a pas de stress, c'est pas lié au stress psychologique, quoi. Voilà, c'était D'accord, okay. Le petit piège. Donc, c'est ta première erreur, mais tu as déjà eu deux bonnes réponses sur les trois. Merci, chers auditeurs, de participer, ça fait plaisir. On a 15 auditeurs qui nous écoutent. Ce thème du stress est assez intéressant et les gens, je vois, sont souvent assez intéressés par ce thème-là. Donc, ça montre bien qu'on y est tous assez sensibles, malheureusement. Mais tant qu'on essaye de... Enfin, il y a toujours des solutions, heureusement, pour réduire, je pense, cette part de stress. Mais bon, de toute façon, c'est un processus totalement naturel, hein, puisque comme le disait Cricri dans sa définition, ça permet, enfin, c'est le fait de voir un décalage entre nos capacités, l'environnement, et de base, c'est fait pour que notre corps réagisse face à un danger. Alors, c'est en cas de stress, la priorité pour notre corps, c'est d'alimenter nos muscles et nos organes vitaux. Et du coup, les besoins de la peau sont sacrifiés. Est-ce que cela te semble vrai ou faux ? Tout à fait. Tout à fait. C'est exactement le début de la crise de panique, qui est d'avoir une poussée d'adrénaline hors phénomène de danger immédiat, qui peut provoquer... Pour la vie, pour la survie. Ouais. Voilà, pour la vie, pour la survie. Et quand cette adrénaline-là n'est pas consommée, on peut avoir des réactions totalement bizarres. Certaines personnes vont avoir des nausées, d'autres personnes vont avoir des bouffées de chaleur énormes, des choses comme ça, parce que en fait, tout le sang se concentre sur les organes vitaux, les membres sont moins irrigués, mis à part peut-être les muscles et les jambes, pour donner un bon coup d'élan C'est pour ça que c'est d'ailleurs très conseillé quand vous êtes en stress ou vous sentez une angoisse grimper comme ça dans les échelons, de se taper un petit sprint, de faire quelques 100 mètres. Ça permet un peu Ah de oui. défouler direct et puis de consommer cette énergie qu'on emmagasine et qui, bah, du coup, va vraiment prendre Ah au ouais, ventre, d'accord. quoi. Une fois Donc que le voilà. corps a dépensé l'énergie pour fuir, il va peut-être se calmer davantage, quoi. Il va se calmer. C'est plus facile de retrouver un état de détente. Ah Déjà, ouais, au niveau de la d'accord. C'est respiration, quand vrai. vous allez faire un exercice physique, votre respiration va être un peu brouillonne au début, ça va un peu s'emballer. Mais à partir de ben, 20 mètres, le corps, il faut quand même qu'il puisse s'oxygéner normalement. Et ça va se faire tout seul parce que votre cerveau, il est Ouais, un câblé rythme. voilà, pour se faire sans que vous y ayez à y penser. Donc, c'est pour ça que courir, ça fait du bien et que c'est autant recommandé pour Ah ouais. consommer un peu cette énergie et l'adrénaline, quoi. Ouais. Et c'est un peu comme, enfin dans un autre style, mais le fait, pourquoi pas, de crier ou de chanter pour, Oui. ouais, par rapport à ce que tu dis, extérioriser Exactement. l'énergie. Ouais. Donc, je répète l'affirmation. En cas de stress, la priorité pour notre corps, c'est d'alimenter nos muscles, nos organes vitaux, et les besoins de la peau sont sacrifiés. Tu estimes que c'est vrai? Est-ce que Astrée, Juliette, Alors, je dirais que c'est faux pour la question d'avant et vrai pour la question d'après. Cricri? N'importe quoi. C'est possible Juliette? de répéter la question, s'il te plaît? Parfait, j'ai répété, Juliette. Je crois Cricri? beaucoup au stress pour calmer enfin, pardon, au sport pour calmer le C'est stress, effectivement. la puce. Ah oui. Le mal par le Je dirais que mal. c'est vrai aussi, moi. Ouais. Bien joué Steven, bien joué Cricri. En effet, donc pour revenir à la peau et donc aux éventuelles imperfections et au vieillissement cutané que le stress peut provoquer. En cas de stress, notre cerveau sécrète du cortisol, c'est ce qu'on appelle l'hormone du stress, de l'adrénaline aussi, tu l'as évoqué, pour que voilà la priorité soit en effet donnée à nos organes vitaux et aux muscles, en fait, pour qu'on puisse réagir face à un danger. Et le stress, du coup, va avoir un impact sur la peau parce que la peau n'est pas considérée comme un organe vital. Donc, elle sera moins bien alimentée par le sang que les autres organes. Et avoir un stress quotidien chronique aura donc cet effet de déshydratation, etc., de la peau. Et en plus, si on a déjà un terrain de maladie de peau, du coup, la maladie risque d'être déclenchée par le stress. C'est donc ce qui. Eh oui, Enfin, tout est le lié. problème majeur, c'est ça, c'est ça. Juliette voulait intervenir. Si, ben, j'avoue, je sais pas trop. Je dirais faux. Oh, pas de chance, Juliette, pas de chance. C'est clair. C'est trop drôle quand Juliette donne la réponse après qu'on ait donné du coup l'explication et que c'était pas bon. C'est quand même, il faut le dire, souvent le cas. Et pourtant, y a Ouais. qu'une chance sur deux, mais. Ça serait trop drôle, j'ai pas le courage de le faire, Juliette, mais si un jour t'as rien à faire de voir quelle est ta note moyenne sur un live, ça me ferait bien rire. Alors, cinquième affirmation, mais Juliette participe activement et ça me fait très plaisir. Cinquième affirmation, en cas de stress, le cortisol qui est sécrété va entraîner une déshydratation de la peau, un vieillissement cutané. Vrai ou faux? Bah, du coup, je pense que c'est vrai, mais peut-être pas, ce n'en est peut-être pas le facteur principal. Comme tu l'as dit plus tôt, mais bah, je veux dire que c'est vrai. Voilà. Donc, a priori pour toi, c'est vrai. Alors, Juliette réagit. Oh bah, je dirais que ma note moyenne est de 2-3. Sophie. Moi, je dirais que c'est vrai. Donc, d'accord avec Ouais. Steven. Je dirais Furaki. vrai. Mais vraiment, il y a beaucoup de questions pièges, donc pour finir, je commence à avoir un petit peu peur. Mais je dirais vrai. T'as raison, Shuraki, j'adore mettre des pièges. Juliette? Bah, je dirais vrai. Donc ça doit être faux. Claire? J'attends que Juliette donne sa réponse pour dire l'inverse. Ça me donne plus de chance. Mais bon, a priori, je dirais vrai. Bonne stratégie, Claire. Je dirais Cri-cri? faux sur cette question. Eh bien, chers auditeurs, scoop. Juliette a eu raison. C'était vrai. Donc, bien joué, Steven. Donc, le Bravo cortisol, tout le c'est monde. bien l'hormone du stress. Ouais, bravo, bravo. Il a comme conséquence, ce cortisol, une déshydratation, en effet, et un vieillissement cutané. Parce qu'avec un stress régulier, voilà, on est donc dans un état de mobilisation du corps pour les organes vitaux et muscles. Les nutriments présents dans le sang sont moins proposés à la peau. Et du coup, forcément, la peau, c'est grâce au sang qu'elle va s'hydrater, puisque avant tout, même si on nous vend souvent des crèmes hydratantes, etc., avant tout, ça se passe en interne. L'eau va être donnée suite après qu'on ait bu de l'eau, en fait, en interne, et l'eau est ensuite distribuée aux différents organes qui en ont besoin, et notamment à la peau. Et du coup, quand toute cette eau est transmise aux organes vitaux, bah forcément, la peau en a moins. En plus de ça, pour ce qui est du vieillissement de la peau, apparemment, un haut taux de cortisol affecte notre système immunitaire. Et ça contribue à dégrader le collagène dans notre peau. Or, le collagène, c'est ce qui va donner un effet assez élastique, pulpeux à la peau. Du coup, quand on n'a pas assez de collagène, notre peau est moins élastique et c'est ce qu'on appelle le vieillissement cutané parce que c'est ce qui, naturellement, avec les années, se produit. La peau va être moins élastique parce qu'elle a moins de collagène avec le temps. Donc, en effet, le stress, c'est mauvais pour la peau. Ça, de toute façon, c'est malheureusement la conclusion. Bien joué pour l'instant. On n'a qu'une faute de ton côté, Steven. Donc, on a 5 sur. Non, pardon, 4 sur 5 pour le moment. Sixième affirmation. Je rappelle que tu visais la note de 5, donc ça va. Tu es plutôt à la hauteur de tes espérances du début. Un problème de rosacée peut être accentué par le stress. Vrai ou faux, Steven? Un problème de rosacée peut être accentué par le stress. Je dirais vrai, ne serait-ce que parce que la rosacée, il me semble que c'est. Je connais pas grand-chose de la rosacée, même si j'en ai une au milieu du nez, mais. Je pense que c'est lié au vaisseau sanguin, au flux sanguin, etc. C'est pour ça que c'est rouge. On se dirait que du coup, quand on est stressé, c'est amplifié. Ouais, moi je dirais vrai, ouais. Le Ça, c'est stress, du coup, vrai. amplifie la chose. Ouais. Juliette? Je crois qu'il y a eu beaucoup de vrais dernièrement, du coup, je vais dire faux. Juliette aime beaucoup les statistiques et du coup, c'est Ouais, sur c'est ça, ça. elle se raccroche à ça. Claire? Je dirais faux parce qu'il me semble que la rosacée, je me demande si c'est pas viral plutôt. Donc du coup, je dirais faux. Bonne Je pense question. que c'est faux. Pour moi, ça me paraît évident que c'est vrai. Bien joué, Cricri. Et du coup, bien joué, Steven aussi. En effet, un problème de rosacée peut être accentué par le stress. En cas de stress, les personnes souffrant, oui, de rosacée peuvent voir apparemment une accentuation de ce phénomène. C'est ce que j'ai lu. Tout comme les peaux avec une tendance au psoriasis ou à l'eczéma. Ça fait partie des petites pathologies de peau qui sont réactivées par le stress, en fait. Ouais, Donc, on a un beau le package hein, quand on est schéma. stressé. Ah, bah ouais, c'est sûr. Enfin, le schéma, c'est toujours le même, c'est que comme en cas de stress, tout ce qui est nutriments, etc., tout ce qui est ressources est exploité à autre chose qu'à consolider la peau, bah, du coup, elle a moins de capacité pour se réguler normalement, entre guillemets. Du coup, D'accord. Juliette, tu notes que cette fois-ci, les statistiques sont desservies. Septième affirmation. Suite aux différents confinements, les Français sont de plus en plus stressés. Là, ça monte crescendo. Vrai ou faux, Steven? Je pense que c'est vrai. Je pense que là, l'époque, elle est tellement particulière que même les personnes qui n'étaient pas anxieuses au début, j'en connais, ont ressenti Ah quand oui. même la pression, le poids du truc, quoi. Voir que tous les pays Ouais. ferment, tout ça. Ouais, Ouais. je pense Oui, que. ça crée un climat assez anxiogène, c'est clair. Ok. Et donc là, tu dirais vrai. Maintenant, est-ce que c'est monté crescendo d'un confinement à l'autre? Parce qu'on n'était pas forcément dans le même état d'esprit au premier qu'au dernier. On va voir ce qu'en pensent nos chers auditeurs. Merci beaucoup de votre participation, Je Juliette. note surtout qu'il y a beaucoup trop d'affirmations vraies et que ça perturbe les grands joueurs comme moi. Apparemment, j'ai peu de grands joueurs du coup. Cri-cri. Oui, malheureusement, c'est vrai. Moi, je pense que c'est vrai. Est-ce que vous voyez venir gros comme une maison le piège? Après, il y a eu beaucoup de dépression, je crois. Oui, c'est vrai qu'on parle notamment de troisième vague, etc., plutôt psychiatrique. Donc ça, d'ailleurs, ça va être le thème d'une des questions bonus qui suit. Cri-cri. Stress, d'ailleurs, a provoqué une souffrance, une mise en danger d'un nombre important de personnes là, pendant cette Ouais, ah période. bah là, ouais, ça rebondit sur ce qu'a dit Claire, Juliette. Alors, avec les conneries que je raconte, j'ai pas entendu la question. Juliette, est-ce que suite aux différents confinements, les Français sont de plus en plus stressés au cours des différents confinements? Est-ce que la part de Français stressés a augmenté ou pas? Non, parce que du coup, voilà, le piège, c'est que en fait, il y a en effet eu une sacrée augmentation lors du premier confinement, mais la part aurait plutôt réduit ensuite. En mai dernier, en fait, là, c'est une étude de santé publique qui date de mai 2021 sur la part de Français anxieux. Du coup, en fait, en mai, là, donc juste là, il y avait 21% des Français, selon cette étude, qui souffraient d'un état anxieux. Hors épidémie, on était à 16%, donc on est bien en augmentation. Mais en mars 2020, donc au début du premier confinement, on était monté à 27%. Selon cette étude. Voilà, donc hors épidémie, 16%, on a fait un pic à 27%, et là, un an après, on est à 21%, donc il y a quand même une part un peu moins élevée qu'au premier confinement, mais en effet, ça reste quand même plus. Enfin, il y a plus de gens stressés qu'hors épidémie, ça c'est clair. Ouais, du c'est coup, Juliette. Bah, je dirais faux, bizarrement. Bien joué, Juliette. Ah, dommage que j'ai pas un truc pour applaudir, ça aurait été cool. Donc, il y a un petit son comme ça. Bon, je le fais moi-même, bravo Juliette, voilà. Du coup, autre info que cette étude de santé publique a révélée, 80% des Français se déclarent actuellement satisfaits de leur vie, apparemment, en mai 2021. Avant l'épidémie, on était à 85% et on n'était qu'à 67% en mars 2020, au début de l'épidémie. Du coup, pour rebondir sur ce que Claire et Cricri ont dit, l'état de stress, en fait, s'il est trop intense, doit nous alerter. Et j'entendais du coup une émission de professionnels de la psychiatrie sur France Culture qui a essayé de sensibiliser la population aux risques de pathologies qui peuvent survenir avec le stress engrangé pendant toute cette crise sanitaire. Donc, le mot d'ordre, c'est de ne pas hésiter à consulter si on se sent vraiment trop angoissé, si ça nous atteint trop, pour régler ça en amont, avant de laisser traîner, pourquoi pas, une dépression, par exemple, ou d'autres troubles pathologiques. Voilà. Donc, je me suis trompée, c'était pas dans les questions bonus, mais je savais que j'allais en parler juste après. Alors, question bonus. Du coup, nous en avons deux. Là, pour l'instant, Steven, tu es à deux fautes, donc 5 sur 7. Voici l'affirmation. Une des conséquences du stress sur la peau peut être l'apparition de cernes, de poches sous les yeux. C'est une question bonus parce que c'est une question que Léa, la dernière invitée, te posait. Enfin, tu verras ensuite au dernier live sur les tatouages pour le coup. Donc, pour toi, Steven, est-ce qu'une des conséquences du stress sur la peau, c'est l'apparition de cernes, de poches sous les yeux? Ouais, je pense que c'est possible. Je pense que c'est vrai, étant donné que pareil, c'est lié au réseau sanguin et tout ça. Et que du coup, peut-être que c'est plus difficile. Non? Bien joué. Non, non, tout non à fait. Ouais, ouais. Bien, okay. Bien joué. Est-ce que Cricri et Juliette avaient. Je dirais faux. Ah! Tu ne nous as pas habitués à ça, Cricri. Juliette? Je pense que c'est vrai, parce qu'avec le stress, le sommeil peut être altéré, et du coup, Bien joué. Ça crée des cernes. Bien joué. Alors, mes petites nuances par rapport à ton explication, Juliette. En fait, les poches ne sont pas forcément causées par le manque de sommeil. C'est juste que, comme tu l'évoquais, Steven, il y a un problème de drainage, de réseau sanguin, en fait, quand on a des poches. Et donc, le stress va causer des problèmes de circulation. Donc, c'est plus ça la conséquence. Mais c'est vrai que traditionnellement, on dit que les cernes, c'est lié au stress, pardon, justement, à la fatigue. Tout à fait, Juliette. Et en fait, Oui, tout à fait. Léa nous parlait de ça au dernier live, quand je lui ai demandé si elle avait une question pour le prochain invité concernant le stress. Et donc, elle a proposé de te demander si toi, tu avais déjà constaté ce phénomène chez toi et si tu serais capable de réaliser de la chirurgie esthétique si jamais tu en souffrais. Voilà, c'était la question de Léa pour toi, Steven. Enfin, Alors, qu'est-ce que tu en penses? je n'ai pas, je n'ai jamais constaté de cernes sur moi. La plupart du temps, quand Ouais. je constatais des cernes, c'était plutôt à cause de l'éclairage. Ah. Et quand je changeais d'éclairage, ça allait mieux. Tu sais, D'accord. parfois, quand tu mets un éclairage un peu tamisé, bleuté, pas trop lumineux, bah, tu as l'impression tout de Oui, suite qu'il y a tout c'est qui vrai. ressort. Ouais. Ça Donc, fait ça joue ressortir quand davantage. même Oui, pas c'est mal. vrai. Ouais. Voilà, et si jamais j'en ai, je pense que je ne ferai pas forcément de chirurgie esthétique là-dessus. Par contre, je mettrai peut-être de... Comment ça De s'appelle? l'homéoplasmine. Alors Non, malheureusement, c'est je plaisante. Là, ça transparent, donc... devrait pas trop. Mais si Ouais. c'était possible, je le ferais. Non, du fond de teint, je pense. Ah oui. Ouais, de l'anti-cerne. Ah, micro coupé, Steven. Je ne sais pas si tu. Voilà. Ah voilà. Alors, ta dernière phrase a été coupée parce que, a priori, ton micro était coupé. Donc, tu Et disais oui, oui. pourquoi pas de l'anti-cerne. Ouais, de l'anti-cerne, ça s'appelle. S'il y a un produit comme ça, oui, je pense que je mettrai de l'anti-cerne, ouais. Ouais. Chers auditeurs, dites-nous, Juliette, Léa, Cricri, Amandine, Caro, Charo, Daphné, Claire, Aliwell, Sophie, Thomas, merci déjà de nous écouter. On s'intéresse au stress et à l'impact sur la beauté. Est-ce que vous avez remarqué, par exemple, l'apparition de cernes ou de poches sous les yeux quand vous êtes stressé? Est-ce que ça, c'est un des symptômes que vous pouvez remarquer ou pas du tout? Et donc, oui, en effet, l'anti-cerne pourrait, dans ces cas-là, être une solution. Disons trompe-l'œil parce que ça va pas régler Ouais, c'est la ça cause. règle pas trop La le cause, problème. c'est toujours plus profond, hein. Le stress, c'est vrai que on en a parlé tout Voilà, à par l'heure, contre, on peut ce aider qu'il son faut. corps en mangeant correctement et puis Ouais. en buvant aussi régulièrement une quantité quand Oui. même conséquente. Ça permet déjà Ouais. de pas mal aider le réseau sanguin. Oui. Et en dormant aussi. Tout ce qui est fondamental, en fait, les basiques. Ah, Physiologique, ça exactement. va Ah, aider ouais. à mieux affronter le stress ensuite, puisqu'on aura plus de ressources et tout ça. Alors, nous avons une intervention de Cricri puis de Non, pas Juliette. spécialement. Non, non. Ah, Cricri n'a pas remarqué ce phénomène, Alors moi, Juliette. je suis assez stressée, mais ça... Je le vois pas sur mon visage, à part de temps en temps je remarque un cheveu tout tout blanc, mais sinon non, Ah pas de oui? cernes, pas de boutons, tout ça. Ah bah, plutôt de la C'est chance. chouette. T'inquiète, ça va arriver. Non, je plaisante. Bah, c'est peut-être que tes fondamentaux, du coup, sont bien enfin, satisfaits. Et on a Thomas qui participe. Peut-être. Salut Thomas. Oui, en effet, j'ai remarqué que j'avais quelques cernes quand j'étais stressé, mais il y a un autre remède qui marche très bien contre le stress, c'est la méditation. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais Ah, moi j'ai remarqué que ça tout à marche. Et fait. en plus, ça calme le stress. Ah bah oui, ah bah là oui, t'es en plein dans le thème parce que finalement là on est sur la beauté et le bien-être et du coup le stress est une atteinte, la première atteinte peut-être au bien-être. Donc tu peux nous en dire plus peut-être Thomas sur la méditation si tu as dû t'entraîner. Enfin je sais qu'il y a beaucoup, en fait il y a toute une technique et ça peut vraiment s'apprendre longuement. Je sais que dans la culture chinoise notamment, la méditation ça a une part extrêmement importante et qu'il y a même des masters, je crois. Enfin, on peut vraiment se spécialiser là-dedans. Déjà, pour le B.A.B.A., ce serait de bien respirer, etc. Tout ce qui est sophrologie aussi, ça peut être top. Ça, t'as déjà essayé, Steven? Ouais, j'ai déjà essayé. La première étape que j'ai trouvée, par contre, c'est d'écrire sur ce Ah. qui se passe, sur soi-même, sur la vie, tout ça. Ouais. C'est pas non plus la Ouais. méditation, parce qu'il me semble que la méditation, c'est vraiment faire le vide dans son esprit, d'apaiser tout ça. Ouais. Mais c'est très difficile à faire quand on est submergé par Oui. toutes des idées, des Ça se pensées. travaille un peu Et sur le long terme, ouais. ouais, exactement, ouais. C'est un truc, c'est difficile, j'y tends. Je pense qu'avec le yoga, ça va pas Ouais. mal m'aider. Mais Ouais, c'est vrai. un jour, peut-être, ouais. Mais oui, du coup, écrire, tu trouves que ça, c'est thérapeutique un peu de poser sur le Ouais. papier, ouais, de verbaliser en fait ce qu'on peut ressentir. Ouais, verbaliser puis surtout atténuer le flux de pensée. Ça va permettre que les pensées n'aillent pas plus vite Ah que la oui. ligne du crayon sur le papier, quoi. Je vois, ça canalise comme ça. Ouais, d'accord. Ouais. Une pensée à la fois et du coup, on est moins submergé. Ah ouais, une technique aussi intéressante. Nous passons à la deuxième question bonus. Donc là, si je ne m'abuse, ah mince, tu avais dit quoi pour celle-ci, pour la conséquence du stress qui serait les cernes et les poches? Tu avais J'ai dit dit vrai? vrai. Oui. Oui, donc tu avais eu bon, eh bien, on va voir si tu atteins la note de 7 sur 9 ou de 6 sur 9. Lors du live précédent avec Léa, on avait parlé des tatouages et on s'était un peu posé la question des techniques un peu ancestrales de tatouage. Voici l'affirmation. Une des techniques ancestrales pour tatouer est la suture. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux selon toi, Steven? Aïe aïe aïe, on se souvient plus. Mais en plus, je l'ai écouté et. Je sais pas, j'ai envie de dire faux. J'ai envie de dire faux, mais en même temps, j'ai envie de dire vrai parce que ça paraît logique de te faire des marquages sur la peau. Ça doit être ultra douloureux en fait. Je pense pas qu'il y avait beaucoup de gens tatoués, si c'était par coup de suture. Non, Oui. je pense que c'est faux. Tu penses que c'est faux? C'est trop. Trop, c'est trop. Ouais. La suture pour tatouer la peau, est-ce que ça peut faire partie des techniques ancestrales, Juliette? Moi, je dirais que c'est vrai, ça ne m'étonnerait pas et ça doit bien arracher sa mère. C'est Ouais, j'avoue, clair. bon résumé quoi de la Mais du coup, je suis sensation curieux, ça cri-cri. veut dire Moi, qu'ils je ouvrent et qu'ils dirais te vrai. ferment. Eh, je suis désolée, Ouais. Steven, j'ai lancé le. Pas de Tu soucis. es curieux? Ouais, je me demandais si c'est ça, ça veut dire qu'ils ouvrent puis après ils referment derrière ou ils coupent par-dessus. Enfin, je sais pas. Tu vas le savoir dans un instant. Est-ce que tout ça est le fruit de mon imagination, du coup, un peu tordue? Sophie? Moi, je dirais vrai aussi. Et oui, c'est D'accord. vrai, ça ne sort pas de ma tête. Oui, j'aurais pu imaginer, ça Allez. aurait été drôle que j'invente une technique sortie de nulle part, un peu gore, bah, pour rejoindre la coutellerie, imaginer quelque chose avec les couteaux, etc. Bon, cela dit, on n'est pas loin de ça, hein, parce que du coup, la technique du tatouage par suture, c'est utilisée en l'occurrence actuellement par les Inuits en Antarctique apparemment. Et cette technique utilise donc un fil de tendon de caribou apparemment, qu'on imbibe de suie. Et que l'on va ensuite passer dans une aiguille. Et ensuite, évidemment, l'aiguille, on va la passer sous la peau à de multiples reprises par point, afin que le. Oui, sympa. Afin que l'encre, en fait, la suie, s'intègre en profondeur. En fait, il faut dépasser. C'est entre 1 et 4 mm, apparemment, pour tatouer niveau profondeur dans la peau. Une autre technique un peu sympa comme ça, je ne sais pas si Léa Carbo aurait fait ses 4 tatouages, puisque c'est ce dont elle nous parlait la dernière fois, si c'était cette technique qui lui avait été proposée. Donc, c'est le tatouage par piqûre. Alors là, on prend par exemple des os qu'on affûte pour créer une sorte de peigne avec des pointes en fait. Ensuite, on trempe les peignes dans de l'encre, puis le tatoueur, pardon, vient frapper avec un petit bâton pour faire pénétrer les pointes dans la peau et y insérer l'encre. Voilà, est-ce que quelqu'un est tenté par ces techniques sympathiques? Mais bon, certains ont l'air de réussir à subir tout ça, au moins Ben par le passé. Oh. Mais c'est pas les. C'est où que c'est comme ça? C'est pas les. Parce que ça, je l'ai déjà vu ça, à la télé, tout ça, un reportage là-dessus. Et je sais Ouais, plus où est-ce qu'ils font je crois ça. que Claire nous évoquait Tahiti l'autre fois, si je ne me trompe pas. Et du coup, c'était cette technique-là, a priori. Donc, D'accord. ouais, c'est dans tout ce qui est tribu, en tout cas. Mais oui, oh là là. Souvent, en rite de passage aussi, la douleur pour passer, voilà, passer un cap, Ouais, en pour fait, un passer un petit peu. cap. Ouais, pour marquer surtout, je pense, comme ça, tu t'en souviens plus longtemps peut-être. Ah oui, ouais, oui, c'est, il y a toute une symbolique derrière, hein, mais ça, ouais, ça fait peur quand même. Ça doit être un élément stressant, tiens, dans le genre, si on avait ce genre de rite de passage. Ouais, Ouais, pour faire un lien ouais. avec notre thème d'aujourd'hui. Alors, on a Thomas qui intervient. Je crois que c'est vrai, et puis j'ai cru entendre que les Polynésiens, dans les temps passés, ou peut-être encore maintenant, ils avaient une tradition pour faire des Ah, tatouages que je crois qui est très douloureuse. Et pour la ah bah oui. méditation, non, je la fais moi-même. Ma façon de Ouais. faire une méditation, c'est que je prends une phrase philosophique ou un proverbe philosophique, Ah. je m'assieds en tailleur, je fais un cercle avec mes doigts, je médite dessus en respirant fort et puis lentement, et puis voilà, c'est tout. Ah, d'accord. Ah, tu te concentres. Bah, on revient à ton idée, Steven, de s'intéresser à une idée l'une après l'autre. Là, c'est le fait de vraiment se concentrer sur une seule phrase, donc philosophique en l'occurrence. Ah ouais, c'est intéressant. Ouais, Moi, là pour c'est avoir super déjà fait de la intéressant. sophrologie, la respiration, c'est hyper utile pour reprendre un peu le dessus sur ses émotions. Eh bien, du coup, nous arrivons à la fin de ce stéréo. Du coup, ça te fait, Steven, la note de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas mal, 6 sur 9. Youpi, Tu as super. dépassé. Ouais, bien joué, bien joué. En tout cas, si vous voulez plus, enfin, apprendre plus de choses sur ces thèmes, il y avait le blog Cosmetics Anatomy qui est assez intéressant, le replay aussi de France Culture sur le stress aujourd'hui notamment, la fameuse troisième vague dont on peut entendre parler. Chers auditeurs, si vous avez des questions, c'est le moment. Steven, toi, quelle affirmation t'a le plus étonné dans le quiz? Bah, rigueur, celle sur le fil, enfin la suture, le tatouage en Ouais, forme de suture, c'est clair. c'est très très étonnant. Oui. Et puis l'histoire du stress comment tu as nommé ça Ah, le déjà? stress oxydatif. Oui, exactement. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, une autre expression avec le mot stress tout de même. Et alors la semaine prochaine, en fait, j'espère recevoir Dorothea pour parler de son métier dans la coiffure. Est-ce que tu aurais une idée de question à lui poser par rapport à son métier, peut-être, ou une idée d'une info à faire deviner sur elle? Bon, c'est pas forcément facile. Là, je te prends un peu de cours, mais voilà. Quand on te dit profession coiffure, dans la coiffure, est-ce que tu as une interrogation éventuellement que je pourrais lui soumettre? Et Juliette, Daphné, Claire, Aliwell, Cricri, Thomas, si vous avez une idée, n'hésitez pas. Je Pas sais pas facile. trop. Je sais pas trop, je réfléchis. À rigueur, au niveau du cuir chevelu, je sais que en magasin, Ah, enfin, quand tu vas chez un ouais. coiffeur, il y a toujours plein de produits qui sont proposés. Et moi, j'aimerais Ouais. savoir si les produits qui sont proposés, c'est parce qu'il y a des marques qui les démarchent pour vendre le produit dans le salon de coiffure, ou si c'est effectivement eux. Qui parce qu'ils ont vu que ce produit-là marche super bien dans ce cas-là ou autre, que c'est eux qui les Ah. proposent eux-mêmes en mode bah voilà, nous on vend ce produit-là parce qu'on sait qu'il est bien, parce qu'on sait que tout ça. Voilà, Ah, je c'est vois. une Oui, tu question. veux savoir ouais, quel est le processus en fait entre les commerciaux et les salons de coiffure en fait. Ah ouais, Voilà, c'est intéressant. Bah ça. ça, ouais, je pourrais carrément avoir au moins dans le quiz vrai-faux une info par rapport à ça. On a Cricri qui Une intervient. plus grande proportion d'hommes qui vont chez le coiffeur que de femmes. Ah, c'est la question que tu voudrais poser, Est-ce Cricri? que C'est une les bonne coiffeurs question. doivent se recycler régulièrement par rapport aux nouvelles techniques? Ah, intéressant, j'avoue. Une habituée peut-être des coiffeurs, là, Cricri. Juliette? C'est un live très intéressant, merci, et j'ai hâte Merci à toi, d'écouter le Juliette. prochain. Merci beaucoup Juliette, bonne soirée. Du coup, merci à tous de nous avoir écoutés. Je mets ma petite musique d'ambiance pour la conclusion. Je ne sais pas si on l'entend un petit peu. Yes, c'est bon. En tout cas, Steven, merci beaucoup hein, de m'avoir répondu en toute transparence. C'est cool d'avoir des témoignages comme ça sur des problématiques de peau pas toujours rigolotes, entre guillemets, et pour faire réaliser qu'on est nombreux à avoir ce genre de problématiques, qu'il y a aussi des astuces. Et merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés, d'avoir imaginé mon bel invité. Si vous voulez un soir être mon invité, faites-moi signe. Vous pouvez me contacter sur mon Instagram, beauté imaginée, sans accent, avec le tiret du 8 entre les deux mots. Et on se retrouve donc la semaine prochaine avec Dorothea pour un live sur le thème de la profession de coiffeuse. À bientôt pour un prochain live sur Stéréo de beauté imaginée. Merci beaucoup, Steven. Très Merci bonne beaucoup, à bientôt. soirée. Bonne soirée. À bientôt, au revoir. Au revoir.